ghetto, Gomera, crime ghetto. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. On se défouraille, défouraille, c'est que ça colle les chips. C'était des dingues, rien que des flingues, ma gueule de pipe. Greeny gangsta, braco armé, gros beretta. Mec, tu crois à quoi? C'est trop gangsta. Mais dis-moi qui crois tu testes? Qui sont les bêtes qui est trop testy? Qui peut me parler de test? Qu'à même que les testy? Gomera combat, préparez-vous à nous détester. Tu ne peux tester mon gang, bang. Ghetto, ghetto, tu ne peux tester. Ok. Big up à mes gros dans les halls, à mes grands qui purgent en tôle. Si t'es pas speed à la barrière, mec, retourne à la flotte. Comme il dit, papa dit, en mode fire. All 1 peut pleurer, mec, c'est là qu'on prend le froid. Comment le guette nous guette, big et neck du guette. Ta jeunesse se bande à guette, régner à coups de bastos. Telle est notre guette, indomptable. Les jeunes de la street sont insupportables. Mon ghetto les rend un gars. Casse des dents et casse des tables. De dead, levez mon flow, dead et mon ghetto. Dead, ok, dead et rude. On mène tous une similitude, similitude. Si pas de mesure, bientôt il faut que je recharge. Dans mon chargeur, les ghetto bastos ne restent pas en marge. C'est la délinquance juvénile qui te charge. Mec du guette qui doit parler du guette. Mec de gros en charge. Par gérard chez nous sont synonyme de ghetto. Comme pour ma grande bande ou Gomera comme paquet crime ghetto. C'est pour mon E, double S, O, double N, E. Non, j'fuck, fuck. C'est rien que pour ma grande bande que j'représente non-stop, non-stop. Car non-stop sont les 10 gangsta boys, les gens disent. Donc pour ma GP, une grande bise. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. C'est pour le vrai gangsta, pour tous les tas, faut que tu bouges ta tête et t'écoutes, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. C'est pour le vrai gangsta, pour tous les tas, faut que tu bouges ta tête et t'écoutes, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour les thugs ou des tafs, faut que tu bouges ta tête et t'écoutes, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour les thugs ou des tafs, faut que tu bouges ta tête et t'écoutes, c'est ghetto la Gomera. C'est des K-E-T-O-K-R-I-N. Anti-mauvais haleine, j'm'installe sur le beat, voilà, j'passe en doux à la Wallen. Sur ce morceau et la canicule, fuck les billets, j'les crapule. Représente ta rue, le ghetto crie. Quand c'est ghetto crime, écoute, ça goûte, ça lève les bras, j'braque, braille au mic, hyper copé quand chante. Ok, j'crache des rimes tranchantes, y'en a un K-47 qui prend la voice. Renoir, j'te préviens d'avance, moi j'mitraille chaque fois que j'fais mon bail pour la délinquance. Les conséquences, la foule devient folle en transe. France et Zone 402, représente ma tête, fuck le reste de la France. Sexe, illicite, MC. BGB, la Gomera, méga, toujours vénère au mic, même quand le concept est tragique. La rue n'est qu'un thème qui parle de drame. J'sais que t'aimes quand le beat rame, autant que le macadam le bitume. Ghetto play haut de la BS, jamais baisse. Le son K, SIS, cocaïne. Ok, j'kill, j'finis hâte. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour tous les thugs dans les tas, faut que tu bouges ta tête et écoute, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour tous les thugs dans les tas, faut que tu bouges ta tête et écoute, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour tous les thugs, faut que tu bouges ta tête et écoute, c'est ghetto la Gomera. Gros ghetto, Gomera, crime ghetto. Pour tous les thugs, faut que tu bouges ta tête et écoute, c'est ghetto la Gomera.